Depuis le vendredi 27 août, j'ai sur mon bureau un verre dans lequel stagne un fond de soda. Depuis le vendredi 27 août, j'ai oublié de le jeter. Mais ce qui n'était qu'un oubli est devenu un geste conscient et même revendiqué. J'aime regarder l'évolution de ce fond liquide, sucré et marronasse. Son évaporation, puis l'apparition de petites taches blanches et verdâtres au fur et à mesure sur la paroi du verre. Et enfin, le dessèchement. La lenteur et l'emprise du phénomène qui se produit sous mes yeux a quelque chose de fascinant. Comme un îlot de saleté dont la progression ne dépend pas de moi, mais dont j'ai pourtant cerné les contours à ce seul verre. Un phénomène à la fois accessoire, j'aurais pu laver, c'est vrai, cet objet depuis 3 mois, est nécessaire. Un phénomène à la fois beau et dégoûtant, que j'ai le choix de regarder ou pas, que j'ai le choix de faire exister ou pas. Car c'est bien la question que posent les déchets, le sale, le contaminé, le dégradé, la vermine. Quel est leur mode d'existence? Quelle est leur consistance dès lors qu'on accepte de les considérer? Leur consistance n'est-elle qu'altération et pourrissement? Leur essence est-elle véritablement de ne pas être? La télé est une grande poubelle. Mets ton pare-choc dans ta baignoire. Les extraterrestres. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Il serait cependant dangereux de disperser tous ces déchets radioactifs sans précaution. Quel genre de précaution? Il faut stocker pendant 10 ou 20 ans ces déchets de façon à ce que leur radioactivité décroisse considérablement, avant de les noyer dans les grandes fosses océaniques. C'est ignoble! C'est vraiment dégueulasse. Écoutez, si vous saviez ce que ça tombe bien... Je me disais encore hier soir qu'il manquait quelque chose pour descendre les poubelles. Noyau de merde, noyau de feu, sur cette terre on est tous des vieux. Des immondices sur le bleu pastel, il y a des réparants de vos poubelles. Hey. La terre est une poubelle. Bonjour Jeanne Guillain. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de l'histoire de l'obsolescence et du consumérisme, et vous avez écrit « Le consumérisme à travers ses objets, vitrines, gobelets, déodorants, smartphones ». C'est paru en novembre dernier aux éditions Divergence. Alors on l'a entendu, hein, sous le terme de déchets, on range tout un ensemble d'objets bien distincts, des objets cassés, détériorés, périmés, délaissés, rejetés. C'est aussi la poubelle, la vermine, le pourri. Comment expliquer à la fois une telle omniprésence des déchets et une telle absence de pensée ou en tout cas de réflexion sur les déchets? Mais d'abord, il y a une omniprésence qui est matérielle tout autour de nous. Évidemment, on voit de plus en plus de déchets. C'est lié à une histoire industrielle où le jetable est devenu de plus en plus présent et où les matières sont de plus en plus complexes, de plus en plus résistantes, de plus en plus difficiles à éliminer naturellement. Et puis, c'est vrai qu'il y a un défaut de la pensée pour soutenir tout ça. Et c'est sans doute dû au fait que le déchet, par définition, c'est une matière qu'on ne veut plus voir et qu'on veut écarter. Et qu'on veut écarter par toutes sortes de façons, des manières physiques, matérielles. On sépare les objets des déchets, on les enfouit, on les jette dans l'eau, on les brûle, on les casse, on les réduit en poussière. Donc des manières physiques de ne pas voir ça, de faire disparaître ces déchets. Mais aussi des manières idéologiques, des imaginaires, des philosophies qui permettent de condamner ces objets à n'être plus des objets, à être autre chose. Et c'est là que la philosophie intervient, puisque, évidemment, les choses ne disparaissent pas par magie. Et il faut les exclure du monde social. Et cette exclusion, elle suppose des processus matériels, mais aussi des processus de pensée. Donc, il y a deux manières de considérer les déchets, si je vous suis bien, Jeanne Guillain. C'est d'une manière de les concevoir comme ce qui est séparé de nous physiquement, ce qu'on veut écarter, mais aussi une manière beaucoup plus abstraite et philosophique de les dévaloriser, en fait, de les disqualifier, justement, sous le terme de déchets. Tout à fait. Le déchet, c'est étymologiquement, c'est ce qui est tombé, ce qui est sorti. Ça vient du terme de déchoir. Ça, c'est intéressant. Tout à fait. C'est ce qui est sorti de quelque part. Alors, ce quelque part, en général, c'est le monde social. Et il faut l'exclure de ce monde social pour en faire un déchet. Mais aussitôt qu'on l'a exclu, ça devient une sorte d'impensable, puisque précisément, il n'est plus parmi nous. Il n'est plus quelque chose que l'on reconnaît. Donc, c'est quelque chose que l'on fait déchoir, que l'on sort du monde, qui devient obscène en dehors de la scène. Et c'est pas pour rien que ça nous dégoûte, que ça nous choque, qu'on n'a pas envie d'en parler, qu'on rechigne à s'en occuper, tout simplement, parce que c'est son essence, c'est sa nature que d'être quelque chose qu'on veut oublier, qu'on ne veut plus voir. Est-ce qu'on peut quand même dire que les déchets sont un petit peu revenus quand même sur la scène sociale et politique avec les questions écologiques, mais aussi en fait, dès les années 70, en 1975, il y a cette première loi française relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, qui va d'ailleurs fournir une définition du déchet, tout résidu d'un processus de fabrication, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit, ou plus généralement, tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. Là, on a quand même une manière de penser le déchet, du moins, à défaut d'être philosophique, du moins politiquement, juridiquement. Tout à fait, et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'ils utilisent le mot résidu dans cette définition du droit, parce que dès qu'on veut parler du déchet, ben on est bien obligé de le remettre au centre, donc on va parler plutôt de résidu, de reste, de ce qui est là après qu'un processus de production et de consommation ait eu lieu, et qui malgré tout demeure. Et donc évidemment qu'il y a un retour de ces questions-là et de ces objets-là, tout simplement parce que c'est une pensée magique que de croire que les choses, parce qu'on les met à la poubelle, elles vont disparaître, c'est faux. Un objet qui devient un déchet, et il rentre dans d'autres processus sociaux, des processus de dévaluation, comme vous l'avez dit, mais qui sont néanmoins des processus réels. Et toute l'idéologie, tout l'imaginaire, toute la dissimulation qu'on y mettra ne les fera pas disparaître pour autant. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la philosophie pour essayer d'en refaire des objets de pensée. Alors j'ai un peu été, je me suis un petit peu trompée en disant quand même qu'il y avait un défaut de pensée totale sur la question. Il faut quand même signaler le travail du philosophe français François Dagonier. Je vous propose, Jeanne Guillen, qu'on entende le tout début d'un livre qu'il a consacré aux déchets, puis qu'on entende sa voix. Nous nous proposons d'explorer un territoire délaissé, celui des êtres ou bien écartés en raison de leur insignifiance ou de leur petitesse, à tel point qu'ils rejoignent l'informe, l'amorphie, ou bien éloignés du fait de leur danger, la contamination, la pollution, ou bien abandonnés parce que même liés à la décomposition et à la mort, le pourri, le fermenté, le cadavérique, ou bien ignorés parce que liés au monde de l'inertie, alors que seul ce qui relève de la vie mériterait la considération, ou bien encore repoussés parce que malodorants ou tellement visqueux qu'ils engluent ceux qui les saisissent. On a procédé à leur élimination, tant pour des raisons esthétiques, contre ce qui se dégrade et nous incommode, que sanitaires, la sécurité, la lutte contre le sale, les foyers de nuisance, la vermine. Les objets détruits, ils ont pour moi encore plus d'importance que les objets neufs. Diderot, lui-même, il aimait sa vieille robe de chambre qui était élimée, qui était rapiécée, etc. Parce qu'elle était lui. Il s'était incrusté en elle. Il y avait une familiarité entre elle et lui. Alors l'objet, quand il a fonctionné et qu'il est un petit peu défraîchi, il a encore plus de sens que quand il est neuf ou il n'appartient à personne. Moi, ce que j'aime, c'est la relation entre le moi et la chose. Objectologie, abjectologie, car l'abject, le rejeté par ces sociétés très gaspilleuses d'ailleurs. Mais l'abject, oui, le démoli, le fermenté, oui, je pense que ce sont des choses qui ne méritent pas le discrédit culturel, ni même matériel. C'était une archive du 22 septembre 1998, François Dagonier dans l'émission À voix nue sur France Culture. Et juste avant, on a entendu, interprété par Hélène Lossor, le tout début de son texte « Des détritus du déchet de l'abject, une philosophie écologique » qui, je dois dire, est vraiment un texte qui, moi, m'a assez bouleversée, notamment, en fait, ce projet, cette entreprise de vouloir faire de la place à ce qui n'en avait pas, en fait, de porter attention, de considérer ces territoires délaissé, ce qui finalement en fait est vraiment à contre-courant, on l'a dit, Jeanne Guillen, de l'entreprise de la philosophie en fait, qui ne s'est pas du tout intéressée à ces objets. Comment François Dagonier va-t-il procéder pour donner une place à ces objets qui n'en ont pas? Alors cette réflexion sur le déchet chez Dagonier, elle vient de son vaste travail, son vaste projet de rematérialiser. C'est comme ça qu'il présente une grande partie de sa philosophie, rematérialiser, c'est-à-dire redonner de la place à la matière en philosophie. Pourquoi lui en redonner ? Parce que il se situe contre un héritage qu'il appelle platonicien, donc de Platon, ou parfois malarméen, donc du poète Mallarmé. Il se situe contre cet héritage qui est, bon, évidemment, massif en philosophie, d'une ontologie platonicienne qui fait s'équivaloir l'intelligible et l'immatériel, qui disqualifie tout ce qui est sensible comme étant l'autre de l'intelligible. Et donc il y a toute une série de couples conceptuels, enfin d'antagonistes conceptuels chez Platon, la différence entre l'être et l'apparaître, entre la profondeur et la surface, entre le simple et le composé, l'éternel et le temporel, etc. Tous ces couples conceptuels qui servent à disqualifier, à séparer l'esprit de la matière et à disqualifier le matériel au profit de l'immatériel qui est associé à l'intelligible. Et donc évidemment, si on dit que l'intelligible c'est tout ce qui est immatériel, eh bien la philosophie qui s'occupe de l'intelligible, en tout cas chez Platon, va se désintéresser du matériel. Et donc le matériel est devenu le domaine du faux, de l'illusoire, de l'incompréhensible, ce qui nous empêche de penser, ce qui nous ramène à des désirs du corps vains, qui se répètent, qui n'aboutissent jamais à trouver leur objet. C'est ça aussi, c'est une manière de penser l'objet qui est extrêmement immatériel, c'est-à-dire un objet, c'est d'abord un objet de pensée, et tous les objets sur Terre sont décevants. Tous les plaisirs du corps sont décevants, c'est le tonneau des Danaïdes, il faut sans cesse le remplir. Donc il y a une cyclicité du désir, du rapport au corps, du rapport à la terre, qui montre qu'on est pris dans des processus vains sur cette terre, tandis que les seuls processus qui aboutissent à définir vraiment un objet et à jouir de cet objet sont les processus immatériels, et donc la pensée et la philosophie est associée à cet intelligible immatériel. À l'inverse, Dagonier pense qu'il y a une intelligibilité de la matière et que la philosophie l'a trop longtemps négligée. Donc c'est dans ce contexte de rematérialisation que se situe sa pensée du déchet. Évidemment, c'est un contexte beaucoup plus large puisque Dagonier était un philosophe, mais c'était aussi un physicien, un scientifique plus généralement. Il s'est intéressé à des domaines, à tout, la géologie, la chimie, etc. Donc il était vraiment les mains dans la matière et c'est pas pour rien, je pense, qu'il a réussi à faire cette philosophie. Oui, parce qu'il faut quand même se poser cette question, Jeanne Guillain, est-ce que les déchets sont des objets comme les autres ? Parce que réhabiliter l'objet, pas seulement comme objet de pensée, c'est déjà un premier pas, mais réhabiliter le déchet comme objet, c'est encore aller plus loin. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en général, on va la facilité quand on dit qu'est-ce qu'un déchet, c'est de répondre c'est un non-objet. C'est un objet cassé. C'est un ex-objet. Un ex-objet, un objet inutilisable, un objet qui marche plus, un objet qui marche mal, un objet décomposé. C'est vrai que ça paraît être un projet paradoxal de penser les objets à travers les déchets. Mais justement, Dagonier, il se situe dans sa pensée des objets, il se situe justement dans une critique de l'utilité, ce qu'on peut appeler un utilitarisme ou un instrumentalisme, c'est-à-dire l'objet se définit par une utilité ou l'objet se définit par une fonction. C'est souvent le cas. La plupart de nos objets sont des objets dont on se sert, mais ça n'épuise pas du tout la pensée de l'objet. Donc Dagonier, il distingue parmi les objets, il y a les outils, des objets qui sont uniquement là pour leur fonction. Mais Par exemple, une brosse à dents. Brosse à dents, elle sert à se brosser les dents. Ça, c'est un outil. Un tournevis aussi, c'est un outil. La plupart des objets techniques sont des outils, mais même lorsqu'ils sont des outils, ils sont aussi autre chose. C'est pas pour rien qu'on aime nos objets, et c'est pas pour rien. On préfère telle brosse à dents plutôt qu'une autre, par exemple. Oui, ou la brosse à dents, je m'en sers que 3 minutes par jour. Par contre, le reste du temps, elle est là, elle est dans ma maison, et donc je l'entretiens, je la déplace. Elle fait partie de. Je la rince, j'en prends soin. Elle est dans la salle de bain, pas dans la cuisine. Exactement. Elle fait partie d'un ordre du monde que j'instaure en faisant le ménage chez moi, en meublant chez moi, etc. Donc, les objets ont une présence au-delà de leur utilisation. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui les définit. Là aussi, si on fait un petit détour par l'étymologie, l'objet, c'est ce qui est jeté devant moi, ce qui fait face à moi, qui n'est pas mon corps, en gros, mais que je perçois. Que je perçois et auquel je donne des contours, que j'arrive à définir. Et donc, l'objet se définit par la présence à un sujet. Et c'est la réalité. Et c'est pour ça que nos objets ont du sens, qu'on peut s'y attacher, et qu'au contraire, ils peuvent nous dégoûter, nous énerver, nous embêter, parce que les objets sont d'abord une présence autour de nous, et que choisir ces objets, les entretenir, les déplacer et les avoir autour de soi, ou au contraire, les jeter, les écarter, les détruire, c'est aussi constituer un monde. Et ça, c'est une activité humaine existentielle par définition, fabriquer un monde. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, finalement, c'est par les déchets et par le fait qu'il soit inutilisable et cassé qu'on va comprendre ce qu'est un objet au-delà de son utilisation. C'est-à-dire que c'est le déchet qui permet de comprendre la place qu'ont les objets dans nos vies. Bien sûr, bah sinon tout simplement on ne jetterait pas des choses utilisables. Sinon, il n'y aurait pas de gaspillage. Si tout ce qui avait une utilité était conservé au nom de son utilité, il n'y aurait pas de gaspillage. Et pourtant, il y a du gaspillage et il y a beaucoup d'objets qui sont jetés, quelle que soit leur utilité potentielle, leur récupérabilité, etc. Vous avez parlé, Jeanne Guillen, de Platon, et il faut qu'on écoute quand même ce texte hein, qui est fondateur dans la philosophie, qui est ce texte du Parménide, ce dialogue entre Parménide et Socrate, où Parménide lance presque un défi à Socrate. Parménide s'exprima en ces termes. « Que tu es louable, Socrate, dans ton ardeur pour les recherches philosophiques. Mais dis-moi, distingues-tu en effet, comme tu l'as dit, d'une part, les idées elles-mêmes, et de l'autre, ce qui en participe? Peut-être y a-t-il aussi quelque idée du juste, du beau, du bon et de toutes les choses de cette sorte? Et quoi, y aurait-il aussi une idée de l'homme séparée de nous et de tous tant que nous sommes? Enfin, une idée en soi de l'homme, du feu ou de l'eau? J'ai souvent douté, Parménide, répondit Socrate. Si on en doit dire autant de toutes ces choses que des autres dont nous venons de parler. Es-tu dans le même doute, Socrate, pour celles-ci qui pourraient te paraître ignobles, telles que poils, boue, ordures, enfin tout ce que tu voudras de plus abject et de plus vil? Et crois-tu qu'il faut ou non admettre pour chacune de ces choses des idées différentes de ce qui tombe sous nos sens? Nullement, reprit Socrate. Ces objets n'ont rien de plus que ce que nous voyons. Leur supposer une idée serait peut-être par trop absurde. Cependant, quelquefois il m'est venu à l'esprit que toute chose pourrait bien avoir également son idée. Mais quand je tombe sur cette pensée, je me hâte de la fuir de peur de m'aller perdre dans un abîme sans fond. Je me réfugie donc auprès de ces autres choses dont nous avons reconnu qu'il existe des idées, et je me livre tout entier à leur étude. C'est que tu es encore jeune, Socrate, reprit Parménide. La philosophie ne s'est pas encore emparée de toi, comme elle le fera un jour, si je ne me trompe, lorsque tu ne mépriseras plus rien de ces choses. C'était donc un extrait du Parménide interprété par Bernard Gabay que nous venons d'entendre, texte fondateur de la philosophie et de cette séparation entre la matière qui serait inintelligible et au contraire les idées qui seraient de l'ordre de l'intelligible. Il y a deux choses hein, dans ce texte, Jeanne Guillen. D'une part, le fait que Parménide lance ce défi à Socrate. Est-ce que tu pourrais proposer une idée de ces choses comme le poil, la boue et l'ordure? Et enfin, cette deuxième chose qui est très intéressante, et qui est la réponse de Socrate. Quand je tombe sur cette pensée, je me hâte de la fuir de peur de m'aller perdre dans un abîme sans fond. Finalement, c'est une question de peur, cette absence de pensée des déchets. Il y a deux choses. Il y a le fait qu'on se situe, que Socrate, Platon à travers Socrate, se situe là aux limites de son propre système. C'est là qu'on voit bien comment une philosophie, quand elle doit être révolutionnée, évidemment, on perd tous ses repères. C'est-à-dire que là, on arrive aux limites du système platonicien où, ce qui est sensible ne peut pas être intelligible. Mais alors si, du coup, on remet ça en question, tout s'effondre. Donc c'est ça qui fait peur, évidemment. Il faut passer à, comme on dit en philosophie, un changement de paradigme, une révolution scientifique, tout revoir en fait dans les fondements même de sa philosophie, ces grands principes ontologiques qui structurent le monde platonicien. Donc c'est ça qui fait peur. Et puis il y a aussi on peut dire beaucoup de choses de cette peur, mais ce serait un peu anachronique parce que ça existe, c'est pas des disciplines qui existaient au temps de Platon. Mais évidemment, beaucoup de penseurs et de penseuses des déchets ont fait un lien entre les peurs du moi, les découvertes de la psychanalyse. Et cette peur de penser le déchet, puisque le déchet, c'est ce qui est mort, c'est ce qui est exclu. Ça nous renvoie à un rapport au corps douloureux, en fait, puisque nous-mêmes, nous allons être un jour des déchets, et que les premiers déchets dont on a l'expérience, ce sont les déchets du corps. Un philosophe qui s'appelle Cyril Harpé, dans son livre qui s'appelle « Philosophie des immondices », qui commence le plus premier grand chapitre de ce livre, c'est le corps. Hein, la première expérience du déchet qu'on a, ce sont les déchets du corps. Donc il y a aussi un rapport au soi, un rapport à la mort possible du corps qui se répète chaque jour dans tout ce qu'on perd. Et c'est pas pour rien que dans la liste citée par Parménide, il y a l'ordure, il y a la boue et il y a le poil. exemple d'un déchet du corps. Alors, ce qui est vraiment frappant dans cette phrase qu'a Socrate quand même, j'ai peur de m'aller perdre dans un abîme sans fond, c'est qu'on sent effectivement la peur presque irrationnelle, hein, une sorte d'angoisse, et vous avez raison, Janine, sûrement de quelque chose de plus psychanalytique, de peur, de déchet de son propre corps où figure effectivement le poil, mais il y a aussi la peur, en fait, du désorganisé, c'est-à-dire du chaos de la matière et de faire face à cette question. Quel est l'être des déchets qui seraient du non-être, en fait? Et si je m'étais trompée, et si finalement il y avait de la consistance, une essence dans ce qui était censé ne pas en avoir? On sent aussi cette angoisse presque philosophique face à un paradoxe. Tout à fait, moi je pense, j'ai dit que parler de psychanalyse ce serait anachronique, je pense que chez Platon, c'est plutôt une peur de la sortie de ce système philosophique qui permet de classer les choses en choses et non-choses, en objets et non-objets, en être et non-être. Donc dès qu'on perd ce classement-là, évidemment, c'est la panique. Et ça va au-delà de la philosophie, puisque les anthropologues qui étudient la gestion des déchets dans les différentes sociétés humaines ont bien montré, et Mary Douglas la première, que... Qui est Mary Douglas? Mary Douglas, c'est une anthropologue qui a écrit dans les années 60 un livre qui s'appelle « De la souillure » et qui est vraiment fondateur pour la pensée du déchet, puisque elle montre très bien comment la disqualification de certains objets comme sales et propres permet aux sociétés de se constituer comme des mondes cohérents, sensés, dans lesquels on a des repères physiques, des repères spatiaux, mais aussi des repères mentaux, d'un monde de symboles, des rituels, etc. Donc évidemment, si vous remettez ce qui est exclu au centre de la société, vous montrez en fait tout ce sur quoi elle est fondée, et c'est ça qui fait peur, c'est que ça montre la contingence de l'ordre social. Et comment Dagonier va répondre ce défi lancé par Parménide, hein, qu'il va prendre très au sérieux, François Dagonier, qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il va renverser le système platonicien en disant la matière n'est pas forcément inintelligible, mais au contraire. Alors comment il fait avec les déchets? Comment il va résoudre ce paradoxe qui est de penser l'être de ce qu'on avait fait déchoir dans le non-être? Alors, donc, comme je disais tout à l'heure, le déchet, il est bien donc, au cœur de son travail de rematérialisation. Justement parce que Dagonier, il a pas peur d'aller penser la matière. Il est voilà. Et comment il pense la matière? Il y a un moment philosophique où on peut mettre tout ça à plat. Donc il y a plusieurs manières pour lui d'aller penser ce déchet. D'abord, il y a une manière qu'on pourrait dire un peu archéologique, c'est-à-dire il va rappeler que le déchet, c'est d'abord la trace, c'est d'abord ce qu'il appelle le témoignage. Donc c'est ce qu'il disait tout à l'heure dans l'extrait qu'on a écouté. Hein, il dit il y a une relation très forte entre le moi et la chose, entre le sujet et l'objet aussi, mais aussi notamment entre le moi et la chose usée, la chose abîmée, puisque cette chose abîmée, en quelque sorte, elle est la trace de mon passage et de ma relation avec elle. Donc pour Dagonier, c'est très important d'avoir ce rapport archéologique aux déchets et de voir que sans déchets, on ne serait pas capable de connaître le passé et donc pas capable de se connaître soi-même comme individu, mais soi-même comme groupe aussi, hein, puisque évidemment c'est par l'histoire qu'un groupe se définit en général, un groupe social. Donc les objets du passé ont cette puissance de vérité de nous faire connaître le temps qui n'est plus. Et c'est là qu'on voit que le non-être est d'une certaine manière, puisque nous passons notre temps entre plusieurs non-êtres, puisque nous sommes dans le présent, mais nous nous rapportons sans cesse au futur et au passé pour savoir qui nous sommes et pour nous orienter dans la vie. Donc le déchet, comme trace vivante d'un passé qui n'est plus, est une manière pour nous de nous situer comme êtres humains dans une histoire. Et c'est là aussi que le déchet a une fonction existentielle, puisque les êtres humains sont des êtres de temps. Et sans déchets, nous n'avons pas accès à cette temporalité. Et c'est intéressant de voir que ce que certains traitent comme des déchets, d'autres les traitent comme des trésors. Vous pouvez comparer une décharge et un site archéologique. Un site archéologique, on va prendre un soin énorme à déplacer le moindre grain de poussière pour ne pas endommager. Oui, on va épousseter avec des petits pinceaux très doux. Tout à fait, on n'y va pas au bulldozer. Hein. Et, pour accéder à ces traces du passé qui sont en fait des trésors. Et ces trésors sont souvent effectivement des objets qui étaient précieux à l'époque et qui ont été laissés là, oubliés, mais c'est aussi souvent des déchets. Hein, les déchets du temps passé nous apprennent les choses. Et c'est pour ça que Dagonier dit qu'ils sont des témoignages. Si finalement nous place sujet et objet sur le même plan, à savoir aussi dans ce rapport au temps, mais dans ce rapport aussi à la mort, c'est-à-dire qu'on est vraiment destiné à mourir, ce qui pose la question en fait de l'obsolescence, par exemple. Ça, c'est encore plus paradoxal, parce que ça met véritablement l'objet, une fois qu'il est cassé, des choix, il tombe du côté des déchets, mais imaginez un objet qu'on destine, en le créant, à partir du moment où on le crée, à mourir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on le faisait exister comme un mort-vivant, un petit peu. Alors, il y a cette idée que vous abordez, j'ai l'impression, qui est-ce qu'on survit par ses déchets ? Est-ce qu'on survit par ses déchets, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de complètement fou à créer un objet pour directement le penser mort ? L'obsolescence programmée, par exemple. D'accord. Alors, c'est l'obsolescence programmée et les produits jetables sont justement ces objets techniques qu'on destine à ne pas survivre à leur usage et encore moins à survivre à leur utilisateur. Et c'est là qu'on voit que dans ce contexte du déchet comme témoignage, les produits jetables ou les produits à obsolescence programmée sont une régression en quelque sorte, puisque ils ne nous donnent pas accès à cette fonction mnémonique, mémorielle, de témoignage des objets. Et ça, c'est une philosophe qui m'a beaucoup inspirée dans tous mes travaux, qui l'a dit dans les années 50 déjà, c'est Hannah Arendt, puisque Hannah Arendt est quelqu'un qui pense la durabilité du monde, qui s'intéresse au monde des objets techniques comme un monde fait pour créer un espace de mémoire et un espace de survie au-delà de la courte vie humaine. Et pour elle, les humains ont cette activité spécifique d'édifier un monde dans le but d'avoir un espace de souvenir et de pouvoir créer de l'histoire et pouvoir créer de la politique. Et elle dit déjà, elle est dans les années 50, elle est exilée aux États-Unis depuis quelques temps, donc elle voit la société de consommation bien s'installer. Et elle dit, dans un monde où le but c'est de consommer le plus vite possible tous les objets, on perd ça. Donc ça, c'est dans La condition de l'homme moderne, qui est un des grands chefs-d'œuvre d'Hannah Arendt, et où elle a déjà ce sentiment que dans la jetabilité, dans l'obsolescence qui caractérise la société de consommation, on va perdre cette fonction de l'objet comme capable d'édifier un monde durable. Et puis, il y a ce paradoxe aussi, Jeanne Guillen, de l'objet, effectivement, vous l'avez dit, qu'est-ce qui fait qu'il y a des sites archéologiques et de l'autre côté des décharges? Et on pourrait aussi faire la comparaison, qu'est-ce qui fait qu'il y a d'un côté des collections et de l'autre côté des poubelles? Dès qu'il y a un chat, c'est pour moi. Pins, télécartes, publicité, des jouets, des peluches, tout ce qui est la vaisselle. Les CD audio, les vidéos, les vinyles, les dés. C'est encore un peu le chantier, mais je retrouve avec beaucoup de plaisir tout mon petit bazar. Je dois avoir à peu près maintenant 600 à 700 bibelots. À cela se rajoutent toutes les autres collections, timbres, cartes postales, publicités, tout ce qui se fait en chat. Ça va sûrement faire rire certaines personnes. Je conserve un ordinateur Amstrad absolument complet, parce que Amstrad avait un jour un jeu, et le guide pour ce jeu, c'est un chat. Donc je suis obligée de garder un vieil ordinateur Amstrad pour la collection, parce que sinon, bien, ça voudrait rien dire. Alors, ah, ça c'est super, c'est un très vieux carton de laine chabotée, les pelotes de laine sont encore dedans. Je me sens bien quand j'ai ma collection autour de moi, que je peux me promener dans les pièces, toucher les objets. Donc moi, j'ai besoin de retrouver mes chats à tous les étages, dans toutes les pièces. C'était la voix de Muriel. Muriel qui collectionne tout ce qui a trait aux chats. C'était le 2 janvier 2005 sur France Inter dans l'émission Interception. Elle a 600 à 700 bibelots en tout genre. Alors on pourrait la comparer à une collectionneuse invétérée qui adore les objets, qui au contraire va réhabiliter les déchets, c'est-à-dire collectionner des objets et leur redonner un sens à travers cette idée de collection. Ou alors on pourrait l'écouter en se disant elle est folle, elle a ce qu'on appelle un syndrome de Diogène, c'est-à-dire une sorte d'obsession d'accumulation des objets. Qu'est-ce qui fait qu'en fait on a cette alternative qui est très réductrice de rapport aux objets, soit collection éloge des objets, soit d'un autre côté critique accusation de l'objet comme signe d'une pathologie? Ben, on voit bien que là, on est tout à fait dans cet espace ambigu, en fait, dans cette ambivalence du déchet comme quelque chose qui a du sens, quelque chose qui raconte quelque chose et quelque chose qui est dégueulasse, qui est dégoûtant. Et le déchet est dans cette ambivalence. Et c'est pour ça que quand on écoute cette femme parler, on est dans l'ambivalence nous-mêmes. Parce que, encore une fois, le déchet, il est là, il existe, mais sa présence est sans cesse contesté, contestable. C'est pour ça que c'est vraiment un objet philosophique, parce qu'il est en permanence dans une ambivalence entre là et pas là, en train de partir, en train de revenir, entre le l'être et le non-être. Donc c'est pour ça que chaque fois qu'on entend des gens qui eux-mêmes se frottent aux déchets, eh bien cette ambivalence, ce stigmate, leur revient dessus. Et vous avez parlé tout à l'heure de François Dagonier, il a identifié plusieurs manières de réhabiliter la matière. Est-ce que ça, cette manière de traiter les objets, en fait, d'en prendre soin, de leur redonner un sens, de les reconstituer dans un ensemble, est-ce que ça, c'est une manière de réhabiliter les déchets comme des objets à part entière ? Alors oui, c'est une des pistes que suit Dagonier. Donc il y a cette idée que voilà, le déchet, il est intelligible parce qu'il est une trace et qu'il nous raconte une histoire. C'est ce dont on vient de parler. Mais il y a d'autres manières dont Dagonier s'efforce de penser les déchets. Il les pense aussi comme des complexités matérielles organisées. Là, il vient vraiment en physicien, en chimiste, enfin en scientifique qu'il est. C'est-à-dire que par exemple, il prend l'exemple du caillou, il nous dit un caillou, on doit pouvoir trouver la formule exacte de sa constitution. Ou alors il parle du moisi, du pourrissement, il dit ce sont des phénomènes chimiques compréhensibles dont on peut retrouver une formule. Mais là, on voit bien qu'il est en fait platonicien aussi. C'est-à-dire qu'il s'efforce de sauver les phénomènes, c'est-à-dire de retrouver dans... Une forme de probabilité, de loi en tout cas, oui, de conduction. Retrouver dans la désorganisation apparente du sensible une loi stable, et en contemplant cette loi, être bien rassuré dans l'ordre de toute chose. Donc, il est un peu plus platonicien qu'il ne voudrait à ce moment-là, quand il s'intéresse aux déchets comme phénomène, complexité organisée. Mais il y a une autre manière aussi, et c'est la troisième façon qu'il a de rematérialiser, de repenser le déchet, c'est en les traitant comme, je cite, des richesses incertaines. Et moi, c'est là où il m'intéresse le plus, où je le trouve le plus pertinent. C'est-à-dire qu'il va dire, les déchets, ce sont pas des ex-objets ou des non-objets, ce sont des ex-biens. Un bien, c'est un objet en tant qu'il est une propriété. C'est-à-dire en tant qu'il est soumis au droit, que quelqu'un a des droits dessus. Et là, on rentre ma brosse à dents. Ma brosse à dents que j'ai payée. Et qu'on ne partage jamais, d'ailleurs. Qu'on ne partage pas, etc. Donc, ça peut être des lois juridiques, de droits juridiques vraiment à proprement parler. Ça peut être aussi des lois religieuses. Ça peut être aussi de la morale, justement. On ne partage pas sa brosse à dents. Bon, c'est pas inscrit dans le droit, mais c'est une coutume ou une convention, en gros, que tout le monde respecte. Et donc, là, on rentre vraiment dans la réalité, à mon sens, du déchet comme un fait social. Le déchet est un fait social, c'est-à-dire que il est une fois qu'il est déclaré comme déchet, il disparaît pas, absolument pas. Par contre, il rentre dans un autre régime de propriété, de perception, de valorisation plus ou moindre, etc. Et donc, les déchets, ce sont avant tout des ex-biens, ce qui n'est plus revendiqué, comme dit Dagonier. Et c'est quand on les conçoit comme ça, je pense qu'on peut mieux comprendre à la fois qu'ils soient présents et non présents. Et à la fois qu'ils puissent cesser d'être objets, redevenir déchets, redevenir objets, parce qu'ils peuvent être récupérés aussi, et donc circuler. Et donc le déchet, c'est un état de la matière en tant qu'elle est socialisée, en tant qu'elle circule dans un monde humain. Et donc il redéfinit aussi la définition de bien et de propriété, c'est-à-dire que ce qui est à personne est à tout le monde, et ce qui fait aussi que les déchets sont vraiment un enjeu collectif, et pas seulement un enjeu individuel de possession, d'appropriation, et seulement d'un usage. Je reprends mon exemple de la brosse à dents, c'est ma brosse à dents, mais une fois que je vais la jeter, peut-être qu'on va pouvoir retravailler le plastique de ma brosse à dents et qu'elle va être recyclée et que là, ce bien sera devenu collectif. Tout à fait, et même avant que vous ayez acheté cette brosse à dents, avant qu'elle devienne la vôtre parce que vous vous êtes affranchi d'un prix sur un marché, elle était déjà existante, cette brosse à dents, et elle était déjà soumise à du droit, en fait. Elle était une propriété industrielle, et après que vous l'ayez jetée à la poubelle, elle va devenir l'objet d'un certain nombre de responsabilités collectives. Typiquement, les collectivités territoriales, les municipalités sont censées vous enlever vos déchets. Elles sont obligées. Même si vous vivez en squat ou en bidonville, vous avez le droit à une poubelle. Donc, en fait, ce déchet ne sort pas du monde. Il rentre simplement dans un autre régime juridique. Il doit être enlevé par la collectivité. Il peut être récupéré. Puisqu'un déchet, c'est classé comme res nullius, quelque chose sur lequel on peut, dont on, quelque chose qu'on peut s'approprier par simple mainmise, c'est-à-dire en le prenant. Et quand on y réfléchit, quand on vit dans des sociétés urbaines extrêmement codifiées, extrêmement marchandes, c'est un des rares objets qui n'est à personne, qui est autour de nous. Donc c'est un des seules choses qu'on peut s'approprier en les ramassant. Quand nous aurons détaché la pathogénie et l'hygiène de nos idées sur la saleté, il ne nous restera de celle-ci que notre vieille définition. C'est quelque chose qui n'est pas à sa place. Ce point de vue est très fécond. Il suppose d'une part l'existence d'un ensemble de relations ordonnées et d'autre part le bouleversement de cet ordre. La saleté n'est donc jamais un phénomène unique, isolé. Là où il y a saleté, il y a système. La saleté est le sous-produit d'une organisation et d'une classification de la matière, dans la mesure où toute mise en ordre entraîne le rejet d'éléments non appropriés. Cette interprétation de la saleté nous conduit tout droit au domaine symbolique. Nous concevons la saleté comme une sorte de ramassis d'éléments rejetés par nos systèmes ordonnés. La saleté est une idée relative. Ces souliers ne sont pas sales en eux-mêmes, mais il est sale de les poser sur la table de la salle à manger. Ces aliments ne sont pas sales, mais il est sale de laisser des ustensiles de cuisine dans une chambre à coucher ou des éclaboussures d'aliments sur un vêtement. Les objets appartenant à une salle de bain ne sont pas à leur place dans le salon. Il en va de même pour les vêtements abandonnés sur une chaise, pour les objets se trouvant à l'intérieur de la maison alors que leur place est dehors, pour les objets se trouvant au rez-de-chaussée alors que leur place est au premier étage, les sous-vêtements apparaissant là où l'on s'attend à trouver des survêtements, et ainsi de suite. Bref, notre comportement vis-à-vis de la pollution consiste à condamner tout objet, toute idée susceptible de jeter la confusion sur ou de contredire nos précieuses classifications. Une fois, j'étais à Port-de-Vent, regardais dans la poubelle, et alors, mais moi, à n'importe quelle heure, hein, même s'il y a le boulevard à traverser, je traversais le boulevard si je vois une poubelle. Mais je faisais 50 km par jour, dans la nuit, 50 km, de Clignancourt jusqu'à la Vache Noire, et repartir jusqu'à Clignancourt. Et toutes les rues comme ça. Et avant, je faisais des pouces. Et j'en ai bavé dans ma vie. Et il y a des gens qui me disent comme ça, t'as jamais rien foutu de ta vie. Quoi ? J'ai trouvé des bons trucs. Hein. Le plus que j'ai fait, 1200 francs. Et en vendant un train électrique complet. Je me lève à 4h du matin, je ne pouvais plus dormir. Allez, je me lève. Je vais fouiller dans le carton, je vois des rails. Oh, je trouve un wagon, 7 wagons qu'il y avait. Je dis, pourvu que je trouve la drésine. Ah, je trouve la drésine qui était dans le fond du carton. J'ai dit, ça y est, je suis bon. Et j'ai vendu ça à un brocanteur. Moi, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas passer devant une poubelle sans regarder dedans. Vous avez parlé tout à l'heure, Jeanne Guillen, de l'anthropologue américaine Mary Douglas. On a entendu interpréter par Hélène Losser un extrait de son texte « De la souillure, essai sur les notions de pollution et de tabou », un texte qui date de 1967. À la fin de son texte, on a entendu, et elle dit « Notre comportement vis-à-vis de la pollution consiste à condamner tout objet, mais on peut dire quand même que c'est une condamnation sociale, Jeanne Guillen. » Et justement, juste après, on a entendu l'archive, une archive du 22 février 1994, c'était dans les Nuits magnétiques, la voix de Daniel, qui est un chiffre et qui justement fait partie de cette de la population qui va s'occuper des déchets, ce qu'on ne veut pas voir, et qui, comme il le dit dans l'archive, est dévalorisé par ce travail qu'il accomplit. Oui, alors ça aussi, c'est un des grands aspects de la recherche sur le travail du déchet, c'est de constater en général que le stigmate porté par les déchets se reporte sur les personnes qui s'occupent des déchets, donc que ce soit des personnes chargées du nettoiement ou du nettoyage. On fait la différence entre les deux, ramassage des poubelles ou ménage en gros. Donc c'est évidemment en général sur ces personnes-là que se reporte le stigmate, comme si les personnes qui s'occupaient des déchets produits par les autres étaient responsables de ces déchets. Alors qu'en réalité, bon, c'est les producteurs de déchets et aussi les producteurs de produits jetables, donc de déchets en puissance, qui sont responsables de leur existence et de leur pollution. Mais je ne sais pas pourquoi. Le bouc émissaire, ça va être plutôt les travailleurs des déchets. Celui qui travaille la matière, justement, qui est en contact avec la matière. Oui. C'est toujours sur ces personnes-là que retombe la condamnation sociale, alors que ce sont des métiers absolument essentiels. Ça a été dit d'ailleurs pendant la crise du Covid-19, ah, les éboueurs sont essentiels, etc. Ils sont en deuxième ligne. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la crise du Covid, pendant le premier confinement? Les éboueurs ont été envoyés travailler sans protection particulière. Comme il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel, il n'y avait pas assez d'équipement, pas assez de préparation parmi les entreprises de nettoyage et de nettoiement, bah on a dit, oh, mais c'est pas très grave, il faut les envoyer quand même. Donc il a fallu plusieurs semaines avant que les éboueurs aient des protections particulières, y compris les éboueurs qui travaillent dans le DASRI, c'est-à-dire le déchet d'activité de soins à risque infectieux, donc toutes les seringues, tous les déchets des hôpitaux, là par où passe la contamination. On voit bien, hein, Jeanne Guin, depuis qu'on parle tout à l'heure, qu'effectivement le défaut de pensée philosophique du déchet amène en fait à mettre en doute, à condamner en fait, à avoir un défaut de pensée sociale et politique sur ceux qui travaillent le déchet, et notamment ce que dit Marie Douglas dans son texte, qui est vraiment vraiment très intéressant, c'est qu'en fait là où il y a saleté, il y a système. Elle nous dit, ça veut dire que la saleté n'est pas tant un problème seulement ontologique, le déchet n'est pas seulement un problème de considération des objets, mais c'est aussi un problème de système et d'organisation, en fait finalement d'ordre social littéralement. Bien sûr, parce que pour faire tenir un ordre social, il faut du travail. Et donc pour exclure des déchets du monde, bah, il faut des gens qui excluent ces déchets du monde, et il faut que ces gens-là soient aussi invisibilisés pour que leur travail soit invisibilisé et qu'on ait l'impression que tout va bien. Mais ce qui pose la question quand même de l'ordre en fait, d'où vient cet ordre et pourquoi en fait on aimerait cacher ce qui est au fondement de cet ordre et ce qui permet finalement de construire cet ordre-là, parce que sans désordre, sans déchets finalement, cet ordre-là ne repose plus sur rien. Il nous faut, on pourrait dire avec cette figure un petit peu, qui est un petit peu maladroite, d'intégrateur négatif, en fait des marge. C'est-à-dire sans marge, il n'y a plus de structure. On pourrait le dire comme ça. Sans périphérie, il n'y a pas de centre. Voilà. C'est sûr. Mais toute société tend à se présenter comme un absolu. Tout gouvernement, toute puissance politique, tout pouvoir aime à se présenter comme infondé, comme naturel. Et donc pour se présenter comme infondé, comme naturel, il faut nier sa propre histoire, nier sa propre contingence. Et c'est pour ça qu'il faut évacuer les déchets comme trace de cette histoire, du moment où, bah non, cet ordre n'existait pas, où ce pouvoir n'était pas fondé, de la violence qu'il a fallu pour le fonder. Donc là, effectivement, on voit que le déchet, c'est bien une trace, c'est bien un témoignage. C'est le passé de ce pouvoir à l'époque où ce pouvoir n'existait pas. Et donc, ce travail de fonder et refonder un ordre, il est permanent. C'est pas juste, il y a une révolution et c'est un ordre émerge. Un ordre émerge et voilà, il existe. Non, il faut sans cesse reconduire l'ordre, le pouvoir sur ses propres bases. Et donc, pour reconduire un ordre, bah, il faut ranger, il faut faire le ménage, il faut trier entre ce qui fait partie du monde et ce qui ne fait pas partie du monde. Et pour que ce travail n'apparaisse pas, eh bien, il faut élire un certain nombre de travailleurs qui seront rendus invisibles. Et donc, l'existence du déchet, comme tel, ça repose sur une sorte d'aveuglement collectif. Et sur des imaginaires magiques de l'apparition, de la disparition des objets que nous ne voulons pas voir, comme s'ils venaient de nulle part. Mais pourquoi invisibiliser ? Ça, c'est pourquoi, en fait, finalement, on ne veut pas voir, pourquoi il y a un aveuglement sur le fait de voir ce traitement des déchets. Parce que finalement, on pourrait très bien se dire que s'il faut réhabiliter les déchets, il faut aussi se dire qu'on peut pas tout garder non plus et qu'il faut repenser, en fait, notre rapport aux déchets dans le fait de jeter. En fait, il faut questionner ce geste qu'on questionne très peu, qui est le fait de jeter. À la fois, on ne peut pas tout garder, il faut jeter, mais en même temps, quand on jette, il ne faut pas non plus ne pas se poser de questions et ne pas tout jeter non plus en masse, ni tout garder, ni tout jeter. Pourquoi en fait cette manière de repenser en fait ce qui est à l'œuvre dans l'ordre et dans la refondation permanente de l'ordre, pourquoi ça s'est caché? Pourquoi ça reste dans les coulisses? Pourquoi finalement il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus visible, puisqu'on n'a aucun problème à se dire qu'on va prendre soin de notre peau, qu'on va se laver, qu'on va ordonner les rues, qu'on va faire des belles façades, qu'on va faire des rafalements de façades? Quel est le problème? Quelle est cette distinction? Bah parce que c'est subversif. Typiquement, bon, pour être plus concret, on peut parler de notre ordre social, notre société. Si on commence à regarder nos déchets, c'est toute une critique de la production qui apparaît. Quand on commence à regarder nos déchets, on voit bien qu'il y a un problème de conditionnement, par exemple, de ce qu'on consomme. Les choses sont suremballées, les choses viennent en quantité faramineuse, les choses viennent sous forme de produits jetables. Donc dès qu'on commence à regarder nos déchets et à se demander pourquoi on les jette et pourquoi on pourrait ne pas les jeter, c'est tout un questionnement de l'ordre social, de l'organisation économique aujourd'hui qui est en question. Et c'est aussi l'organisation de la production, mais aussi l'organisation de la gestion des déchets. Comment se fait-il que les éboueurs soient si précarisés aujourd'hui? Comment se fait-il que cette fonction soit de plus en plus privatisée, alors qu'encore une fois, c'est une fonction essentielle à la vie sociale? Comment se fait-il que les gens qui font les poubelles sont stigmatisés pour ça? Comment se fait-il qu'il y a un tel mépris de ces activités? Comment se fait-il que les déchets dont on ne sait pas quoi faire, on les envoie dans des pays où il n'y a aucune norme de traitement des déchets et qui vont empoisonner des populations entières et des environnements? C'est toute cette critique qui apparaît en fait. Et donc à partir du moment où vous remettez les déchets au centre, vous contestez le centre. On va écouter pour finir, Jeanne Guillain, un texte d'Italo Calvino, qui justement revient sur cette idée importante, sur l'importance de jeter. Si jeter est la première condition indispensable pour être, parce qu'on est ce qu'on ne jette pas, le premier acte physiologique et mental est la séparation entre la part de moi qui reste et la part que je dois laisser descendre dans un au-delà sans retour. Le rite purificateur de l'enlèvement des ordures ménagères peut être vu comme une offrande aux enfers, au dieu de la disparition et de la perte, l'accomplissement d'un vœu. Le contenu de la poubelle représente la part de nos êtres et avoirs qui doit quotidiennement sombrer dans le noir, pour qu'une autre part de nos êtres et avoirs puisse rester jouir de la lumière du soleil, soit, et soit eu vraiment. Jusqu'au jour où même le dernier support de nos êtres et avoirs, notre personne physique, deviendra une dépouille morte qu'il faudra à son tour déposer dans le fourgon qui conduit à l'incinérateur. Cette représentation quotidienne de la descente sous terre, cet enterrement ménager et municipal des ordures, entend donc, en premier lieu, éloigner l'enterrement de la personne, le renvoyer même si c'est seulement un peu, et me confirmer que pour un jour encore, j'ai été producteur de scories, et non scories moi-même. France Culture, les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Je vous conseille d'écouter, de lire ce texte d'Italo Calvino, La poubelle agréée, qui est un texte écrit au milieu des années 70 et qui apparaît dans son livre La route de San Giovanni. Ce texte, Jeanne Guillain, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il permet précisément de poser ce problème. On ne peut pas tout garder, on ne peut pas tout jeter. Il est nécessaire de jeter, encore faut-il questionner ce geste. Oui, alors ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, à savoir le fait de séparer entre ce qui est à moi et ce qui n'est pas à moi permet de définir ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, que ce soit un individu ou une société. Je trouve ça un très beau texte, mais par contre, je le trouve un peu désocialisé, c'est-à-dire que encore une fois, il y a ceux qui se définissent en évacuant des choses, et puis il y a ceux qui sont chargés d'évacuer ces choses. Et je pense qu'on leur donne pas assez la parole. On va inviter des chercheurs, des chercheuses comme moi. On va donner la parole aux consommateurs, on va donner la parole aux associations écologistes, aux experts en tout genre. Mais en réalité, ceux qui ont les mains dans le cambouis, dans la matière, on les entend assez peu. Et en général, ce sont les premiers boucs émissaires des problèmes liés aux déchets. C'est vrai que ce texte d'Italo Calvino nous passe plutôt du côté de ce que vous avez pu souligner, Jeanne Guillain, au début quand on parlait de la peur de Socrate, de tomber dans un abîme sans fond dès lors qu'il traite tout ce qui a trait à la matière, mais de la matière vile, quand il parle d'ordures, de poils ou de boue. C'est vrai qu'il y a un côté beaucoup plus psychanalytique. Juste après, Italo Calvino, dans ce texte, dit La satisfaction que j'éprouve à jeter est analogue à celle de la défécation, à celle de sentir ses propres viscères se débarrasser. La sensation, pour un moment au moins, que mon corps ne contient rien d'autre que moi et qu'il n'y a pas de confusion possible entre ce que je suis et ce qui est extranéité irréductible. Malédiction du constipé et de l'avare, lequel, craignant de perdre quelque chose de lui, ne parvient à se séparer de rien, accumule les déjections et finit par s'identifier avec sa propre déjection et par s'y perdre. Finalement, on peut dire, Jeanne Guillain, quand même, qu'Italo Calvino peut-être reconduit en fait une manière de condamner le déchet. C'est à la fois grâce à ce à quoi on est et en même temps ce qui peut nous disqualifier dès lors qu'on garde le déchet. Oui, c'est bien cette idée qu'il y a une ontogenèse, la construction de soi, à travers la séparation de ce qui est moi et ce qui n'est pas. Et cette ontogenèse, elle est ancrée dans le corps, mais dans le corps individuel. Et c'est pour ça que je dis que je trouve ça un peu désocialisé. Parce que c'est pas le corps social qui est en jeu. On n'est jamais nulle part, on n'est jamais tout seul dans la nature. Mais la question se repose. Alors, ça veut dire que depuis le départ, on se demande quel statut accorder aux déchets. Et on voit bien que d'un côté, le déchet est nécessaire, le réhabiliter aussi. Et en même temps, on ne sait pas quelle place précisément lui faire. C'est-à-dire lui faire une place sociale, une place dans nos vies, ne pas la réduire à la mort, à la saleté, à l'impur, à ce qu'on veut cacher. Et en même temps, quelle place on devrait lui donner alors socialement? Mais c'est vrai que ça semble un projet absurde philosophiquement parce que le déchet, c'est ce qui n'a pas de place, ce qui est en dehors du système de place, comme dit Marie Douglas, hein, le déchet c'est le ramassis d'éléments exclus du système. Donc lui donner une place, c'est le nier comme déchet. C'est pour ça que les penseurs du déchet, tous les chercheurs qui travaillent sur ces domaines-là vont souvent parler de reste ou de résidus. Et c'est une manière de masquer les choses finalement, parce qu'on a parlé de la loi en 75 qui utilisait justement le terme de résidu et pas de déchet. Est-ce que c'est une manière de finalement de pas à réussir à faire avec le déchet? Pour moi, c'est une manière d'affronter la réalité, c'est-à-dire de voir que les restes, ce sont des états transitoires de la matière. Mais transitoire, ça veut dire que c'est un moment donné dans une histoire et que cette histoire, elle va continuer. Alors que quand vous parlez de déchets, quand vous parlez de saleté, vous êtes dans ce mythe de l'absolu, de la fin d'une histoire. En fait, l'histoire, elle va s'arrêter et la chose va disparaître. C'est la grande promesse des industries du jetable. Usage unique et après, hop, ça disparaît. Ça vient de nulle part et ça va nulle part. On peut l'ignorer. Mais c'est un aveuglement collectif. Et en fait, les déchets, ce sont des éléments matériels à un certain endroit de leur histoire. Et si on veut les faire disparaître, non seulement on va perdre leur passé, on va perdre l'histoire dont ils sont les témoins, mais on va aussi les condamner dans le futur à un devenir beaucoup plus incertain, parce qu'ils vont pas disparaître, ils vont se décomposer, ils vont avoir un impact. Ils vont nous encombrer, littéralement. Ils vont nous polluer, surtout, parce qu'on est aujourd'hui avec des déchets dont les matières sont beaucoup plus complexes. Et qu'est-ce que c'est qu'une pollution par le déchet? C'est un objet abandonné à son propre devenir matériel, parce qu'il y a une histoire physique des choses. La matière, elle se décompose, elle a aussi sa temporalité, elle est prise elle-même dans des procédés chimiques, hein, c'est ce que Dagoni nous invitait à voir. Et si on abandonne ces procédés chimiques dans un hors-monde qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, en réalité, c'est juste qu'on se déresponsabilise de ce que deviennent ces objets, mais ils vont continuer leur vie et la planète Terre, elle va continuer à avoir ses processus chimiques, matériels, physiques, sans nous. Mais ça veut dire que quand vous dites, quand vous employez le terme de collectif, Jeanne Guillain, c'est-à-dire que quand vous dites nous, ce nous, c'est qui en fait? C'est les industries qui produisent ou c'est, vous parlez en fait de petits gestes, ce terme un petit peu insupportable, de petits gestes pour sauver la planète? Non, je parlais pas du tout ça. Je parlais de nous, le groupe social qui constitue son monde en évacuant du monde les déchets. Ça peut être n'importe quel groupe social. Et est-ce que, justement, pour prendre en compte cette vie des objets, s'il s'agit, si je vous suis bien, de moins produire, pour justement faire une place plus honorable aux déchets, parce qu'en moindre quantité, on pourra plus en prendre soin aussi? Il s'agit d'arrêter de produire des déchets en puissance, c'est-à-dire ces objets, ces produits qu'on nous vend à travers ce mythe du jetable, c'est-à-dire des objets qui viennent de nulle part, qui arrivent neufs, comme s'ils n'avaient pas d'histoire, et qui vont repartir aussitôt après, qui vont être enlevés par un système d'enlèvement des ordures qui est magique, qui fait tout disparaître. Ça, c'est un mensonge, et c'est grâce à ce mensonge, à cette promesse, cette fausse promesse de l'industrie du jetable, qu'on a pu donner une place aussi importante à des produits à usage unique dans notre société, qui sont les produits qui polluent le plus aujourd'hui. C'est la plus grande part de nos déchets ménagers, les objets à usage unique. Les déchets ménagers étant eux-mêmes une toute petite part des autres types de déchets qu'on produit, notamment des déchets du BTP. Mais si on parle vraiment de produits jetables, c'est eux le problème. Merci beaucoup Jeanne Guillain. De vous, on peut lire Le consumérisme à travers ses objets, vitrines, gobelets, déodorants, smartphones. C'est paru en novembre dernier aux éditions Divergence. Merci beaucoup. Merci à vous. Le jour se lève sur la ville, sur les maisons aux volets clos. La rue dort encore immobile, du garage au petit caboulot. Un volet claque, un bras de femme s'étire, on entend un soupir. La rose du ciel sur Paname lentement commence à s'ouvrir. Au bord du trottoir pêle-mêle, il n'y a rien que des poubelles. La vie du monde, la vie des gens, ses plaisirs, ses désagréments, ça finit toujours là-dedans. Poubelle, les vieux cartons, les pots cassés, tous les trucs qu'on a dû laisser, épaves grises du passé. Poubelle, le papier graisseux du pâté, la carcasse du poulet sauté, tout ce qu'on n'a pas pu boulotter. Poubelle, un corsage, un chapeau d'étain, l'ombre d'un soulier de satin et le fantôme d'une ombrelle. Poubelle, poubelle, voilà notre offrande au matin. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. L'éthique peut-elle être une science ? Il y a en nous, êtres humains, une profonde ambivalence vis-à-vis de la connaissance de nous-mêmes, de nos choix et de nos actions morales. D'un côté, nous voulons les connaître parce que nous voulons les maîtriser, nous voulons savoir quels sont leurs mécanismes et nous voulons pouvoir répondre à ce qu'elles peuvent avoir aussi de négatif et donc en faire l'objet d'une science, une science au fond comme les autres, une science de nos passions, une science de l'homme, ce but, ce graal finalement de la philosophie. Mais d'un autre côté, quelque chose en nous résiste à considérer l'éthique ou la morale comme un objet de science, de théorème, de mécanismes généraux. Et ce quelque chose qui résiste, ça n'est pas de l'irrationnel, au fond, comme si l'homme était un être incompréhensible, un monstre insaisissable. Au fond, la science arrivera un jour peut-être à connaître tout ce qui est le plus apparemment désordonné. Ce qui résiste, c'est la liberté, c'est la responsabilité. Nous voyons dans l'éthique d'abord quelque chose qui dépend d'un choix individuel et pas de mécanismes généraux. C'est une opposition très fondamentale et celui qui l'a le mieux compris, probablement, c'est bien sûr Spinoza. Spinoza qui a écrit une éthique à la mode des géomètres qui passe à un moment donné, bien sûr, par la réfutation de la liberté comme cause illusoire de nos actions chez l'homme. Pour Spinoza, en effet, nos actions sont régies par des mécanismes comme toutes les choses de la nature, comme les événements cosmiques ou bien comme les figures mathématiques, et il écrit une éthique à la manière des géomètres, en remontant aux principes d'ensemble de l'univers, mais aussi des actions humaines, justement, la joie et la tristesse, le positif et le négatif qui régulent toutes nos actions sans que nous le sachions, dans un parallélisme aussi entre notre corps et notre esprit. Ainsi, l'éthique est une science qui peut démontrer ce qui est positif ou négatif pour nous, et qui doit réfuter l'illusion de la liberté, ce refuge de l'ignorance, qui est aussi un refus de conduire les hommes vers le bien. Car finalement, l'éthique est une science, mais aussi une science quand même tournée vers l'action, une science qui a pour but très précis de produire cette joie par opposition à cette tristesse, d'en déduire les conditions, y compris sociales et politiques, et même théologicaux. Politique. Et finalement, l'éthique n'est pas si neutre que cela, car pour Spinoza, il y a quand même plusieurs genres de sciences, plusieurs genres de connaissances. D'abord la première, qui est la connaissance par ouï-dire, ces habitudes que nous bricolons, cette science empirique de l'action finalement aucun de nous ne peut se passer. Et puis il y a la science générale des actions humaines, peut-être le contenu le plus général de l'éthique. Et il distingue aussi de façon énigmatique ce qu'il appelle un troisième genre de connaissance. Troisième genre de connaissance, c'est la connaissance des situations singulières et individuelles, car nous ne pouvons pas tout maîtriser. Et le sage est aussi celui qui voit les lois de la nature, la recherche de la joie et de la tristesse dans les situations les plus complexes et particulières. Ainsi, on retrouve peut-être pas la liberté chez lui, mais quand même l'individuel et le secret de nos vies pour éviter le malheur et produire de la joie. Peut-être l'éthique de Spinoza rejoint-elle alors le sens profond du mot éthique ? Qui n'est pas d'être une morale générale ou un traité, mais d'abord de surgir de la vie et de la situation. C'est pourquoi elle a toujours fasciné, même les philosophes de la liberté, même les sujets les plus engagés dans l'histoire, même les défenseurs de la justice, comme il était Spinoza lui-même. Merci beaucoup Frédéric. Votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et ça y est, on a le générique de fin. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Carla Michel qui a préparé cette émission, Manon Delasselle, Jules Barbier, Adèle Van Rett, Antoine Ravon, Anaïs Sisbert, avec à la réalisation Nicolas Berger et à la prise de son aujourd'hui Anthony Thomasson, et à la lecture des textes aujourd'hui Hélène Losseur et Bernard Gabé. Pour écouter ou réécouter cette première émission sur les déchets, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philo ou sur l'application Radio France, et rendez-vous demain pour la suite de notre série sur les déchets donc. Et demain, splendeur et misère d'un sac plastique. Ce sera avec Jean-Philippe Piron. À demain.